Au soccer, maintenant, la saison de soccer est commencée dans les différentes ligues. On va vous donner dans le U12 masculin, victoire de l'équipe de U12 6-0 sur l'Union de Roberval. Également, dans les autres matchs, victoire de 5-3 du Chinook de Chicoutimi contre le FC du Lac. Et également, le FC Mahi à Caen qui a gagné 1-0 contre l'attaque de Saint-Prime. Et aussi, l'Union de Roberval a défait le Boreal d'Alma 6-1 dans un match de la catégorie U14 masculin. U14 masculin également, victoire du FC Mahi à Caen 4-1 sur le Mistral de Chicoutimi. J'ai vite écouté la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec d'abord Marc Fortier qui analyse les séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. On s'est également entretenu hier aussi avec Gilles Bouchard, qui est un des instigateurs d'un projet de demi-marathon à Dolboum-Sessigny en 2020. Également, vous pouvez écouter d'autres entrevues dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.